Auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de l'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme ce soir, bien entendu, le calendrier du jour. Et puis Coluche nous racontera une histoire de chômeur, à sa façon, hein, de l'époque. L'armée turque massacre nos alliés. Là, c'est Adrien Katdins qui nous parlera. Et puis les centrales nucléaires démantèlement impossible, ce sera le dernier épisode de cette aventure-là, enfin dernier épisode radiophonique. Ensuite François Sureau, la liberté a déjà disparu, la liberté a déjà disparu. Et puis la lettre de Guy Môquet, le 22 octobre 1941, exécution de Guy Môquet. Les goumiers marocains qui ont libéré la France. Olivier Besancenot, le faux procès de Guevara, de Ernesto Che Guevara. Et puis, les crimes cachés de Jacques Chirac. Hein, on s'attendait pas à celle-là. Voilà. Alors, bien bonsoir, je dirais quand même, parce que, bon, malheureusement, je ne sélectionne pas que des bonnes nouvelles. Hein. C'est difficile de sélectionner que des bonnes nouvelles dans le monde dans lequel on vit. Hein. Voilà. Allez, bonne nuit. Au revoir. Le calendrier des esclavages et des libérations. Le 18 octobre, que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, le 18 octobre 1524, par exemple, en Allemagne, l'archiduc Ferdinand ordonne d'égorger sans pitié les paysans révoltés de la forêt noire, de brûler leurs maisons, de poursuivre les femmes et les enfants qui tenteraient de s'enfuir. 1525, France. Anton Bitchner et L. Werner Sattler, meneurs paysans d'Alsace, sont décapités à Célestat. Alors, rappelons que l'Alsace a été française à partir de 1638, donc en 1525, c'était pas encore la France, Alsace, à l'époque. Ah oui. Donc, mineurs paysans d'Alsace sont décapités à Célestat. 1685, France. Révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Les protestants perdent la liberté du culte. Toutes leurs assemblées sont interdites. Les temples doivent être détruits. Chacun doit choisir, se convertir ou émigrer. 1874, Équateur. Le général Garcia Moreno instaure la République du Sacré-Cœur de Jésus. 1882, France. Début du procès des 23 membres de la bande noire de Montsou-les-Mines. C'est l'écrasement. L'écrasement de la première ébauche d'organisation ouvrière dans une mine où il y a eu 89 morts par coup de grisou et où le patron déclare aux ouvriers « Je suis votre père, je vous aime comme mes enfants ». 1898, Japon. Constitution du groupe de recherche sur le socialisme. Recherche sur le socialisme. 1908, Égypte. Au Caire, suite à une série de licenciements, début d'une importante grève des tramways, la répression policière est sanglante. 200 ouvriers seront condamnés. 1908, Zaïre. Le Congo devient officiellement une colonie belge. 1921, Espagne. Journée de 8 heures dans les chemins de fer. 1936, Espagne. Hitler et Mussolini reconnaissent officiellement le régime franquiste alors que l'on croit Madrid sur le point de tomber. 1945, Allemagne. À Nuremberg, ouverture du procès contre 24 criminels de guerre nazis. 1971, Espagne. À Barcelone, 8000 ouvriers occupent l'entreprise automobile Seat par solidarité avec des camarades licenciés. La police de Franco fait usage de bombes lacrymogènes et ouvre le feu pour déloger les ouvriers. La police de Franco, hein, c'est pas en France, hein, c'est en Espagne en 1971. Mais bon. 1973, Chili. La junte suspend tous les partis politiques. 1977, Équateur. Massacre de la sucrerie Astra. Les coupeurs de canne recourent à la grève pour le respect de leur contrat. Ils se rendent pacifiquement dans la cour de l'usine. À midi, les femmes et les enfants les rejoignent, apportant la nourriture. Trois quarts de policiers armés jusqu'aux dents arrivent sur les lieux. Ils donnent l'ordre d'évacuer l'usine en 2 minutes. Avant l'expiration du délai, ils lancent des bombes lacrymogènes et ouvrent le feu, pourchassant à travers champs ceux qui essayent de s'enfuir. Les dirigeants syndicaux sont arrêtés, sont rendus responsables du massacre. On ignore le nombre de morts, les cadavres ayant été brûlés dans la chaudière. La Fédération des travailleurs de Guayas, parle de plus de 100 victimes. 1981, Grèce. Victoire du Parti socialiste panhellénique aux élections législatives. Il obtient 172 des 300 sièges à l'Assemblée. 1981, Pologne. Le général Jaruzelski cumule les fonctions de chef de gouvernement, de ministre de la Défense nationale et de premier secrétaire du parti du POUP. P-O-U-P, Parti ouvrier unitaire polonais, je pense que ça veut dire. Ça voulait dire. La guerre civile en Espagne, 1923-1930, 7 années de dictature. Après un début de siècle riche en troubles sociaux et une enquête embarrassante sur les échecs de l'armée coloniale au Maroc, le roi Alphonse XIII remplace la monarchie parlementaire par la dictature de Primo de Rivera. Le Maroc est pacifié, entre guillemets pacifié. La classe ouvrière est jugulée. 1931, début de la Deuxième République. Les élections municipales de 1931 sont désastreuses pour la monarchie. Le roi s'enfuit à l'étranger. La Deuxième République est proclamée. Un grand espoir naît dans le peuple. Mais très vite, le gouvernement se heurte à deux obstacles de taille. Le problème des paysans sans terre est la montée du fascisme. En Italie, Mussolini est au pouvoir depuis 1922. En Allemagne, Hitler est sur le point de s'emparer du pouvoir. En Espagne, les nostalgiques de la dictature, bien que dans l'ombre, n'ont pas désarmé. 1934, une année noire. En été 1934, la question de la réforme agraire devient critique. Les heurts entre paysans et police se multiplient. En octobre, des mineurs révolutionnaires des Asturies donnent le signal d'une révolte de grande envergure. Une partie de la province est conquise. Le général Franco est un des principaux organisateurs de la répression. Franco, répression, Espagne. 1936, victoire électorale du Front populaire. Aux élections législatives du 16 février, très largement suivies, les candidats du Front populaire l'emportent. Il s'agit plus que d'un bulletin de vote. Le résultat des élections exprime l'avancée d'un mouvement populaire puissant. Les paysans prennent en main eux-mêmes la réforme agraire. 17 juillet 1936. Soulèvement militaire fasciste. Soulèvement militaire fasciste en Espagne, 13 juillet 1936. 17 juillet 1936. Le 17 juillet, les garnisons du Maroc se soulèvent. Franco appelle celles de la péninsule à faire de même. Les forces républicaines réagissent. L'Espagne est divisée en deux. D'une part, les régions qui se sont ralliées aux rebelles. Les fascistes y renforceront la hiérarchie traditionnelle, les structures économiques et sociales, grâce à la terreur, l'armée et l'Église. D'autre part, les régions fidèles à la République, où une révolution sociale radicale s'effectue par la base et avec la participation des organisations ouvrières, entre ces deux camps, une lutte sans merci commence. Le miroir de l'Europe. Il ne s'agit pas que de l'Espagne. L'Italie de Mussolini et l'Espagne de Hitler envoient troupes et matériels pour soutenir les rebelles. La France, d'abord hésitante, rejoint la Grande-Bretagne et les USA dans une politique de, entre guillemets, non-intervention. Les brigades internationales, volontaires de tous les pays, viennent se battre aux côtés des républicains qui sont également soutenus par l'URSS. Octobre 1936, mars 1937, le siège de Madrid. Les insurgés arrivent aux portes de la capitale. Ils l'assiègent pendant des mois. Par la prise de Madrid, ils voudraient signifier leur victoire. Les républicains et la population de Madrid résistent farouchement. Des affiches annoncent que Madrid sera le tombeau du fascisme. Le 18 octobre, alors que l'on croyait Madrid sur le point de tomber, l'Allemagne et l'Italie reconnaissent officiellement le régime franquiste. Dans la presse mondiale, les rebelles deviennent les nationalistes. En mars 1937, après la bataille de Guadalajara, Madrid est dégagée. 1937, la bataille du Nord. Le 26 avril, l'aviation allemande détruit Guernica, au Pays Basque. Pendant plusieurs mois, dans le Nord, les républicains se battent le dos à la mer. Ils perdent une grande région industrielle. En mai, à Barcelone, des combats fratricides opposent communistes et anarchistes. 1938, une guerre d'usure. Les républicains attaquent sur l'Èbre par une offensive de grand style. Après une période victorieuse, ils sont obligés de reculer. Nous sommes au lendemain des accords de Munich. Les troupes de Franco consolident leurs arrières alors que les républicains s'épuisent. Début 1939, offensive finale des franquistes. En janvier, Franco lance une offensive d'envergure. Barcelone tombe. Quelques 500 000 Espagnols fuient vers l'étranger. Beaucoup d'entre eux ne reverront plus leur pays. Fin mars, Madrid est prise. La guerre s'achève. La République est écrasée. Le fascisme triomphe avec la bénédiction de l'Église. Un État corporatif avec des syndicats verticaux est mis en place, mais la classe ouvrière n'attendra pas la mort du dictateur en 1975 pour relever la tête et se réorganiser. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.

en droit d'exiger l'annulation de ce match. Voilà, et je le dis avec le respect que j'ai pour la compétition sportive et pour les supporters. Mais vous êtes soulagé, évidemment. Y compris d'ailleurs, il faut signaler qu'il n'y ait pas eu de débordement, que oui, tout se soit bien passé. Oui, d'ailleurs, il faut même saluer d'ailleurs les supporters turcs qui ont applaudi la Marseillaise et qui se sont gardés de tout débordement. Et je les salue aussi, mais j'estime que dans le contexte, diplomatiquement et compte tenu de ce salut militaire et de ce qu'il incarne dans la période, il aurait été de bon ton d'annuler ce match. Sur le terrain et la réalité du terrain, c'est une offensive qui se poursuit donc contre les Kurdes. Donald Trump hausse le ton. La France avait déjà décidé de suspendre ses ventes d'armes. Jean-Luc Mélenchon, présent à une manifestation récemment en soutien des Kurdes, a exhorté la France à intervenir contre les Turcs. Ça veut dire quoi, intervenir? Écoutez, ce qui se passe sur le terrain, c'est que dès l'instant que les Américains sont partis de Syrie, ou en tout cas que les troupes ont commencé à se retirer, immédiatement l'offensive a démarré. Il se trouve que sur place, même si ça n'était pas très connu du grand public, il y avait notamment quelques Français qui étaient présents. Donc ça veut dire, si on résume les choses, voulez dire que des forces spéciales françaises qui étaient en nombre restreint sur place, mais ça veut dire donc en quelque sorte que alors que les Turcs sont membres de l'OTAN comme les Américains et comme nous, en quelque sorte, eh bien, ce sont les Turcs qui aujourd'hui attaquent aussi des positions françaises. Donc, dans ces conditions, effectivement, il n'y a que deux camps, et donc celles et ceux qui étaient sur place doivent pouvoir éventuellement. Mais concrètement, c'est-à-dire que vous appelez ces forces, on va les appeler forces spéciales, ailleurs, à intervenir militairement dans une poudrière. Par ailleurs, je vous le dis franchement, par ailleurs, compte tenu du nombre a priori que cela représente, ça n'est pas sérieux quand on voit l'offensive turque qu'il y a sur place. Mais dire une chose, en tout cas, c'est qu'on voit bien que il y a un enjeu de survie, pas uniquement de survie politique, mais de survie tout court pour le peuple kurde sur place. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont été quelque part contraints à un compromis, et je dis bien un compromis, entre le compromis avec l'armée de Damas qui leur a proposé leur aide pour faire en sorte qu'ils ne soient pas littéralement écrasés et le génocide de leur peuple, eh bien ils ont choisi la survie. C'est un compromis politique. Vous savez, parlez d'un compromis, Adrien Quatennens, à ce sujet. L'important, c'est ce qui se passe sur le terrain, mais les réactions politiques sont également importantes. Jean-Luc Mélenchon a suscité beaucoup de réactions et d'indignation sur les réseaux sociaux après s'être félicité, c'est le mot, de la riposte syrienne, parlant d'excellentes nouvelles. Quand on sait ce que Bachar Assad a fait à son peuple, peut dire pour le moins que les mots ne sont pas bien choisis. C'est vrai que nous aspirons à gouverner le pays, pas à avoir des postures moralisatrices. Vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon, il y a quelque temps déjà, sur le conflit syrien, avait expliqué qu'il était absurde d'un point de vue diplomatique et géopolitique d'exiger comme préalable à la résolution de la crise le départ de Bachar el-Assad, ça ne signifie aucunement, ça va sans dire, le soutien de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise au régime de Bachar el-Assad. Vous savez, la paix, c'est notre trajectoire politique et c'est une construction politique. Mais c'est intéressant, ça veut dire que choisir son camp, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est choisir le camp, évidemment, des Kurdes, alliés objectifs aujourd'hui du régime de Damas. Alliés objectifs, ce n'est pas sérieux. Les Kurdes, alliés de circonstances. Mais ce n'est même pas alliés de circonstances. Écoutez, en l'occurrence, choisissez les Kurdes, mots, mais alliés quand même, sont, c'est la même les offensive. Les Kurdes sont écrasés par une offensive turque. Ils ne sont pas des alliés du régime de Damas. D'ailleurs, il y a eu dans le passé toutes sortes de discussions politiques entre eux. Je veux dire, le régime de Damas n'est pas particulièrement favorable au peuple kurde et à sa liberté d'installation. Mais en quelque sorte, face à l'offensive, ils ont été contraints à un compromis. On verra par la suite ce qu'il en découle côté politique, mais l'urgence à cette heure, elle n'est même plus politique sur le terrain. Ce sont des gens qui se font littéralement écraser. C'est un massacre sur place. Voilà ce qu'il faut dire. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit, cette aide est bienvenue, quelque part, il s'aligne sur la position mais des Kurdes. Ce sont les Kurdes. Vous comprenez, Adrien Quatennens, qu'on parle d'excellentes nouvelles d'intervention syrienne, mais ça peut provoquer de l'émoi. Mais c'est pas une question. Vous savez, là, on est dans quelque chose de rationnel. Encore une fois, la paix, ça se construit. Et quand il y a, en l'occurrence, des conflits, on choisit son camp, tout simplement. Mais il ne s'agit pas de dire que l'on fait quelque allégeance que ce soit ou quelque alliance que ce soit. Mais votre explication est bienvenue. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Et dans la période, je le dis, c'est qu'il y a une responsabilité, notamment du gouvernement français. Il faut alourdir sans doute les sanctions diplomatiques. Et puis, ça met en cause aussi, dans cette affaire, plus globalement, notre appartenance à l'OTAN. Ça fait un moment que la France insoumise. Ou plutôt l'appartenance de la Turquie. Non, moi, je pense que ça met en cause. L'appartenance de la France. Oui, bien sûr. Mais regardez, cette alliance. Se retirer de l'alliance. Cette alliance militaire pensée au moment de la guerre froide n'a objectivement plus de raison d'être aujourd'hui. Nous n'avons pas intérêt à rester. Ça, c'est une chose. Oui, mais nous n'avons pas. Mais tant qu'elle est là, en exclure la France, ça peut paraître un petit peu. Non, mais c'est pas en exclure la France. La France devrait, y compris pour concourir à la paix à travers le monde, et être cette puissance médiatrice qu'elle doit être, devrait retrouver une forme d'indépendance. Sonia Mabrouk, l'indépendance, ça n'est pas l'isolement. C'est la condition, justement, pour une diplomatie multipolaire qui permet de faire en sorte que la France, puissance écoutée à travers le monde, joue pleinement son rôle. Aujourd'hui, on le voit, à force de se fourvoyer dans ce type d'alliance, la France s'est rendue sur le front diplomatique quasiment inaudible. C'est un problème. Retour, Adrien Quatennens, sur le plan strictement politique français. Il y a un débat en ce moment autour du voile islamique suite à ce qui s'est passé avec un responsable le Rassemblement national qui a exhorté une femme portant un voile à quitter l'enceinte d'un conseil régional ou en tous les cas à ôter son voile. Un certain nombre de responsables politiques, dont Frédéric Pechner hier à cette place sur notre antenne, s'est prononcé contre le voile. Ils veulent interdire le port ostentatoire des signes religieux. Votre avis ? Je suis très inquiet de voir la pente prise par le débat en France. Moi, à vous dire très franchement que pour la société, j'espère autre chose que l'exacerbation du fait religieux dans l'espace public. Mais une fois qu'on a dit ça, je suis... Le voile n'est pas un symbole pour vous ? Mais je suis strictement opposé aux lois d'exception. Je vous dis que je ne suis pas favorable et j'espère autre chose pour la société que l'exacerbation du fait religieux dans l'espace public, mais je ne suis pas pour la loi d'exception. Mais ça répond pas à ma question. Alors là, est-ce que le voile est un symbole? Si je vous y réponds. Mais de quoi, mais de quel symbole? Le voile comme tout signe religieux, si vous voulez. Le problème qu'on a là aujourd'hui, c'est qu'on a encore une nouvelle fois une tentative d'élaborer des lois d'exception qui ne viseraient qu'une seule religion. Et s'agissant de l'accompagnement en sortie scolaire, il faut être très clair, et aujourd'hui d'ailleurs le Conseil d'État s'est prononcé sur ce point. Moi je suis pour le respect de la loi. Je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin aujourd'hui, il faut être sérieux et raisonnable. Mais est-ce que de aujourd'hui, l'autre, attendez non, juste Catherine, sur les... vous ne me répondez pas, est-ce que c'est un symbole ou pas, mais, le voile? Mais les signes religieux, de manière générale, le pas le alors, voile en aujourd'hui particulier. Aujourd'hui en particulier, je vous parle du voile. Est-ce que pour vous, c'est le symbole, certains le disent, un islam politique? Mais enfin, ça n'est pas sérieux de tout confondre. Dans la période, on a un débat. C'est une question, c'est oui, pas une mais confusion. Dans les 15 jours, on a un débat qui en fait mélange tout, met tout sur le même plan. On parle à la fois de l'immigration, on parle de la radicalité. Et au final, je crois que tout ça nous affaiblit justement dans est-ce notre capacité à agir. Est-ce que le voile est un symbole? La question paraît simple. Le voile vous, est oui, un symbole, comme la kippa est un symbole, comme la croix ostentatoire est un symbole. Moi, je vais vous dire une chose sur les personnes qui font les mamans qui sont en accompagnement scolaire. Les choses sont claires. Un fonctionnaire, un agent, lui, est soumis à un principe de neutralité parce qu'il incarne un service. L'usager d'un service ou en dehors de l'espace scolaire, la personne qui accompagne, si elle n'est pas un fonctionnaire. Attendez, mais il y a quelques temps, vous étiez gêné par le port du voile, vous vous souvenez? Non, vous confondez tout. Non, je confonds pas. Une représentante de l'UNEF, vous aviez dit ces mots chez nos confrères sur notre radio, vous êtes gêné. Le voile vous dérange, c'est à géométrie variable. Si vous pouvez me laisser parler un instant, vous allez voir que c'est vous qui confondez les choses. Reconnaissez-vous que vous étiez gêné à ce moment-là? Non, pas gêné. Moi, je suis jamais gêné. Vous avez employé le mot gêné. Non, je suis pas gêné. Je ne souhaite pas, effectivement, que lorsque l'on prétend à représenter largement obtenir des fonctions, c'était mon avis, même si le cadre légal le permet, considérant la responsabilité d'un syndicat. Moi, je suis favorable plutôt à ce qu'on mette de côté les signes religieux. Maintenant, une fois cela dit, je redis à ce micro qu'il n'est pas sérieux d'exiger des personnes qui font de l'accompagnement scolaire qu'elles soient dans un principe de neutralité absolue. Tant que les comportements ne sont pas des comportements de prosélytisme, tant qu'il n'y a pas en l'occurrence de volonté d'influencer les élèves, ça n'est pas sérieux. Et je mets en cause la manière dont Monsieur Odoul se part derrière la laïcité et la République pour en réalité ne cibler qu'une seule religion. Conclure, et je pense que tout ça nous a fait critiquer. La laïcité, je voudrais dire une chose, parce que la laïcité qui est souvent dévoyée en quelque part, elle nous met aussi en difficulté. Est-ce qu'on peut parler la laïcité, de religion? Est-ce qu'on peut critiquer une religion sans être taxé d'islamophobie ou autre? On peut. Mais heureusement qu'on peut critiquer très toutes bien. Les religions. Mais on ne peut pas. Mais on ne peut pas attaquer les personnes, cibler les personnes si en raison pas, de leurs croyances religieuses. Vous n'avez pas répondu sur le symbole du voile. Mais si, je vous ai dit, c'est un symbole. Merci. Comme un tas de symboles. Et moi, je ne suis pas pour qu'on fasse de loi d'exception. La laïcité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous les croyants qui ne veulent pas que l'État se mêle de l'organisation de leurs croyances. C'est l'affaire de tous les non-croyants qui veulent revendiquer le droit de ne pas croire. C'est l'affaire de tous les citoyens qui veulent merci que la loi Adrien soit Quatennens. Discutée, éloignée des vérités merci révélées. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On m'avait beaucoup coupé ce matin, Sonia Mabrouk. Absolument pas. Vous avez eu l'occasion, le loisir de dire. On n'aura pas l'occasion de faire une prochaine fois. Le contexte social est encore brûlant. On peut le rappeler. On aura l'occasion d'en parler. Merci à vous. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk. Petite, si tu es kurde, écoute-moi. Faut partir et quitter ton chez-toi. Moi j'ai connu ton sort. J'ai tutoyé la mort. On n'a jamais raison contre un soldat. Ils étaient 100 autour de ma maison. Au mur, il y avait de l'ail et des poivrons. Le vent était si doux, le ciel était si clair. Et mon père est tombé dans un éclair. C'était un matin calme de septembre. Ils ont amené ma mère dans la chambre. Grand-père dans ses mains pleurait comme un enfant. Dehors, on entendait hurler. Grand-mère faisait du pain dans la cuisine. Elle s'effondra le nez dans la farine. Et sur son cœur éclot la fleur d'un géranium. Dernier hommage qu'elle ait reçu d'un homme. grand-père à coups de crosse dans le dos, implorait la pitié de ses bourreaux. J'entendais les soldats qui riaient tant et plus, et maman sur son lit ne criait plus. Puis soudain le soleil s'est endeuillé, les obus éclataient comme des œillets, la mort faisait ripaille jusque dans nos jardins, il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons, et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit la liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps. Les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Les croyants, la patrie, prétexte et faribole, combien de vies pour un puits de pétrole. Petite, si tu es kurde, il faut partir. Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe, si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot. Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posé la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales, parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement ? Parce que les radiocontaminants les plus embêtants seront à l'intérieur des métaux et ressortiront. Et dès qu'on va commencer à tronçonner, à découper, à l'arc, etc., de toute façon, on va reprovoquer des vapeurs de plasma qui vont elles-mêmes supporter des radiocontaminants. Donc moi, si on me dit je découpe et je décontamine pas avant, si c'était moi là-dedans, je dirais rien. Je poserais une seule question, comment sont protégés les travailleurs ? C'est tout. À Lubmin, en Allemagne, la radioprotection est un souci permanent et l'expérience acquise par les ouvriers leur permet de travailler en limitant le risque. Et parfois, ce sont des robots qui les remplacent. Le découpage sous l'eau est nécessaire parce que la radioactivité des pièces est très importante. Le découpage de ces pièces à l'air serait problématique pour leur maniement et les activités du personnel. Ici, l'eau nous protège. Nous pouvons réaliser tous ces travaux sans avoir de rayonnement ionisant élevé. L'eau contaminée sera ensuite confinée et stockée. Une grande partie du personnel de la centrale nucléaire du temps de son exploitation a été conservée pour le démantèlement. Des hommes qui connaissent parfaitement les lieux et leurs dangers potentiels. Le risque de contamination est ainsi réduit. En Allemagne comme ailleurs, cette transmission du savoir est essentielle après l'arrêt définitif d'une centrale nucléaire. Si on ne commence pas tout de suite le démantèlement et qu'on ne forme pas de jeunes collègues, nous serons confrontés à un problème majeur. Au fil du temps, plus personne ne connaîtra les particularités de la centrale. Il est donc indispensable de comprendre comment tout cela est structuré. C'est un problème qui va persister si on n'assure pas l'emploi et la formation des futurs collègues dans le démantèlement. Le transfert de connaissances entre celui qui a exploité la centrale lorsqu'elle fonctionnait et celui qui va la démanteler, il est primordial. Il est primordial parce qu'il va permettre à celui qui va démanteler d'avoir la meilleure connaissance possible de l'installation et donc d'en limiter ensuite les risques. Le démantèlement immédiat, permet aussi de répondre à cette exigence d'entreprise qui est une exigence de responsable, hein, qui consiste à assumer les décisions prises par les générations d'aujourd'hui et de ne pas transférer aux générations futures ce démantèlement. La mémoire de l'installation, c'est un bon argument. Par contre, il faut le mettre en œuvre. Et malheureusement, quand on regarde, quand on fait le constat aujourd'hui des centrales qui sont actuellement en démantèlement, principalement Brennilis, Chinon, Saint-Laurent, etc., ben on s'aperçoit qu'EDF ne met pas du tout en œuvre cette exigence de mémoire des installations dans le choix qu'elle fait financier exclusif du recours à ses prestataires. La plupart du temps, les sous-traitants ne sont pas ceux qui ont participé aux opérations d'exploitation. En réalité, donc, en France, ces ouvriers sous-traitants sont brinque-ballés d'un site à l'autre et n'en connaissent aucun. L'autre argument sur ces générations futures qu'il faudrait préserver ne tient pas non plus. La durée de vie de certains déchets fera que nos descendants porteront de toute façon le poids du nucléaire durant des centaines de milliers d'années. Sur les chantiers, les problèmes s'accumulent. Ce qui se passe à Brennilis en est la parfaite illustration. EDF ne s'est pas doté de personnel suffisant pour contrôler les chantiers. Et on était à 4 ou 5 strates de sous-traitance. Ceux qui étaient en bas travaillaient à l'économie. Moi, j'ai vu des vidéos où les gens avaient des aspirateurs du commerce, où ils ne savaient pas tronçonner, ils avaient le disque de la tronçonneuse en face de la tête, ils pouvaient se fendre le crâne. Il n'y avait pas double sas de sortie de l'endroit où ils tronçonnaient. Et la dernière fois que la clie est entrée, un ouvrier est passé devant eux, il avait les gants contaminés. Et EDF n'a pas pu leur répondre, ne savait pas à quel endroit il s'était contaminé, cet ouvrier. Vous êtes certain, par exemple, que quand M. X, employé par la société Y, vient travailler sur votre chantier, dont vous êtes le responsable, oui. Il a les compétences, il a reçu la formation. Qu'est-ce qui vous dit que le gars sait faire ? Il doit le démontrer. Et de toute façon, j'ai autorité. Il doit le démontrer au chargé d'affaires. Et j'ai toute autorité sur le site pour pouvoir arrêter un chantier à n'importe quel moment si je devais constater un écart par rapport aux règles et aux priorités, notamment concernant la sécurité. Hélas, on ne jugera des conséquences d'un démantèlement mal maîtrisé que bien après les travaux. Car les maladies radio-induites ne se déclarent parfois que 15 ou 20 ans après l'exposition aux radiations. Ce qu'on disait aux ouvriers et à moi aussi, c'est qu'on ne devait pas se faire de soucis, que nous ne serions pas exposés à la radioactivité. Ils nous ont même dit que la radioactivité était très faible et que même s'il y en avait, le sel autour capterait cette radioactivité. Les ouvriers et moi n'avons pas remis cela en question. Nous avons fait confiance à notre employeur. Des années après avoir quitté la mine de Hasse, Egbert Duranovic apprend qu'il est atteint d'une leucémie. À ce moment-là, ça a pu traverser mon esprit qu'il pouvait y avoir un lien avec ma maladie. Mais dans un état comme celui-ci, on n'est pas en mesure de raisonner. Et ce n'est que des années plus tard, lorsqu'on a reparlé de Hasse dans les médias, que j'ai fait le lien. Mais cela m'a pris des années avant de pouvoir faire le rapprochement. « Monsieur Duranovic a travaillé dans une mine qui n'avait pas le statut de centre de stockage. Et donc les normes de sécurité appliquées étaient celles d'une mine, pas celles de la radioactivité, comme c'est le cas aujourd'hui à Ass. Monsieur Duranovic n'a jamais porté de dosimètre. Pourtant, son employeur notait tous les jours dans un registre que Monsieur Duranovic n'était pas contaminé. En France, les ouvriers chargés du démantèlement seraient complètement déconsidérés. Conséquence, ils ne bénéficient d'aucun suivi médical rigoureux, alors qu'ils concentrent à eux seuls 80% des doses de rayonnement reçues dans les centrales nucléaires. Vous savez qu'il y a, quelques années, parmi les sous-traitants, la convention collective majoritaire parmi les sous-traitants, c'était la convention collective de la métallurgie. Aujourd'hui, la convention collective majoritaire, c'est celle du nettoyage. Quand on regarde les 20 dernières années, il y a eu une dégradation considérable. Effectivement, ils ne sont pas considérés comme étant pleinement acteurs de la production d'électricité. Voilà, ils se sentent un peu rejetés. C'est pas qu'ils se sentent rejetés, c'est qu'ils sont, de fait, mis à côté, mis à part. La reconnaissance des cancers professionnels, c'est la loterie, c'est la course d'obstacles, et quand on n'est pas bien conseillé et pas bien accompagné, plus de 50% ne sont pas reconnus alors qu'ils sont déclarés, et on peut penser qu'il faudrait multiplier d'un facteur 10 au moins tous les cancers qui pourraient être reconnus et qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'il existe un lobby nucléaire dans ce pays. Qui a largement les moyens de payer les cancers professionnels, mais qui ne veut pas le voir reconnu, parce que s'il y a des cancers professionnels reconnus, ça voudrait dire pour lui que ce risque serait humainement inacceptable. C'est stupide, même dans le raisonnement où on penserait que le programme nucléaire devrait perdurer. On retombe encore sur des blocages idéologiques. Donc oui, c'est très difficile de faire reconnaître des cancers liés au rayonnement ionisant. L'opérateur est tellement sûr de sa puissance qu'il en oublie parfois les règles. C'est le cas à Saint-Vulbas, dans l'Ain, petit village sur les bords du Rhône où est installée la centrale du Bugey. À quelques mètres se trouvent les serres de Léonard Rosen. Depuis 20 ans, cet horticulteur utilisait l'eau chaude de la centrale pour chauffer ses serres. Mais en 2010, EDF entreprend des travaux de construction d'un bâtiment d'entreposage de déchets radioactifs, le projet ICEDA. Et j'ai commencé à m'inquiéter vraiment quand ils ont commencé la construction du déchetterie nucléaire en face de chez nous, c'est-à-dire sur la limite de nos terrains qui sont... limitrophes. Voilà. Mm-hmm. Et je suis jamais contre le nucléaire, je suis pas contre l'EDF, je suis même pas contre les déchets nucléaires, mais je suis contre les déchets nucléaires dans mon propriété. Et nous sommes pratiquement devant notre porte. En fait, c'est un centre national d'entreposage de déchets qu'EDF veut installer là. On voit sur cette animation que tout a été prévu, y compris d'ailleurs la disparition des serres de M. Rosen. Mais dans son emballement, EDF s'est retrouvé hors la loi. Et le petit horticulteur a bloqué le puissant opérateur. Le chantier est aujourd'hui à l'arrêt. Le PLU qui régit cette zone, autorise la centrale à fonctionner et à gérer notamment ses propres déchets. Point. Le bâtiment d'ICEDA est un bâtiment pour gérer les déchets de 9 autres centrales de toute la France. Le bâtiment était donc construit dans un but qui n'était pas celui du PLU, tout simplement. D'accord. Et ce que M. Rosen a voulu faire... mettre sur la place publique et finalement sanctionné par le tribunal administratif, c'est uniquement ça, à savoir que ce terrain est utilisé pour une construction qui n'est pas en conformité avec le PLU. Le sujet reste très sensible et il ne fait pas bon stationner aux abords de la centrale nucléaire du Bugey. Nous étions là depuis quelques minutes à peine quand des gendarmes installés dans la centrale sont venus nous contrôler. Un documentaire. Pierre-Yves Joly, avocat. Léonard Rosen est habitué à ce qu'il estime être des pressions. On a lancé notre procédure juridique contre les constructions en mars 2010. Un mois plus tard, brutalement, ils ont coupé de l'eau chaude. Et on a eu une perte très grosse l'année 2010. Et ensuite, en 2011, ils ont fait la même chose. Alors, ça nous coûte cher. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez de l'eau chaude ? C'est en rupture également. Ils ont coupé encore fin avril pour des raisons qui ne peuvent pas garantir la qualité de l'eau. La seule solution pour EDF serait que la municipalité de Saint-Vulbas modifie son plan local d'urbanisme, et c'est ce qui serait prévu. Car ici, on ne pourrait rien refuser à EDF. On pense qu'il y a eu des pressions politiques, il y a eu des pressions d'EDF. Il y a une manne financière que distribue EDF ici, sur toute la région, non seulement sur Saint-Vulbas, mais sur beaucoup de communes environnantes, qui fait qu'à elle seule, cette manne est une pression, quoi. Donc, on sent bien qu'il y a eu des directives pour leur dire on remet tout à plat, refaites voter. Et pour faire revoter cette modification de PLU, ils nous l'ont habillé en présentant Iseda accompagné d'un projet de centre de formation, de la force d'action rapide et d'un restaurant, restauration rapide, un truc comme ça. Ouais. Voilà, on emballe ça en disant, vous voyez, ça va amener 200, 250 emplois, je ne sais plus combien. Enfin bref, le chantage à l'emploi en période de chômage, c'est un argument qui porte. Voilà, donc il y a eu un revirement à 180 degrés qui est plus qu'étonnant. Lobbying outrancier, c'est aussi ce que l'on reproche dans le Vermont à Entergy. Dans une région sinistrée où les dépôts de bilan sont légion, l'opérateur américain a beau jeu d'imposer sa loi. Ils mettent en avant l'aspect économique. Ils disent que les postes qui ont été créés alimentent l'économie locale. Ils ont besoin d'acheter des matériaux dans la région, ils engagent des électriciens locaux, des plombiers, etc., en plus de tous les employés de la centrale. Ils disent toujours que l'économie du Vermont s'effondrerait s'ils partaient. En termes d'emploi, si Vermont Yankee fermait, cela aurait un impact, c'est évident. Ils emploient environ 600 personnes et 200 de ces employés viennent du Vermont. À mon sens, ils utilisent des techniques de propagande sournoise. Ils sont particulièrement généreux, par exemple avec les ONG de la région, comme les associations de soutien au SDF ou encore les banques alimentaires. Ils se sont arrangés pour que les responsables de ces associations fassent des déclarations annonçant que ce serait un désastre si Entergy disparaissait, qu'on n'arriverait jamais à remplacer les dons de Vermont Yankee. Entergy a quasiment construit cette école. C'est le fruit des profits de Vermont Yankee. Donc les habitants leur en sont reconnaissants. Et pour la plupart, ils s'accordent à dire qu'Entergy est un très bon voisin. Ils soutiennent la Croix-Rouge locale, les scouts, ils ont payé une partie de cette école, ils font donc circuler beaucoup d'argent. On peut dire qu'ils achètent la population, le mot n'est pas trop fort. La puissance du lobby nucléaire passe aussi parfois par la propagande. En Bavière, par exemple, le propriétaire de la centrale de Niederreichbach communique sur le retour à l'herbe. La nature reprend ses droits après déconstruction. Un des deux réacteurs de la centrale a été démantelé en 1995 et aujourd'hui, on y croise des vaches écossaises et leurs propriétaires. Le critère important pour moi avant de m'installer était de faire contrôler la viande de mes vaches. Et c'est ce que j'ai fait en demandant des analyses à un laboratoire indépendant. J'ai obtenu un certificat qui me garantit qu'il n'y a pas de résidus nucléaires ici plus qu'ailleurs. Ce type de résidus, ça existe partout, mais rien ici n'indique la présence d'une centrale nucléaire autrefois. Mes vaches mangent l'herbe la plus contrôlée du monde en matière de radioactivité. Ces vaches sont les plus surveillées au monde et Ludwig, qui est payé pour être là, le paysan le plus sponsorisé d'Allemagne. Je suis bien conscient d'écrire l'histoire de la centrale. Je donne une bonne image aux visiteurs qui passent en bus dans la région. Ceci n'est que de la propagande de l'industrie nucléaire. Il y a des choses bien plus dangereuses que les vaches sur ce terrain. Juste à côté, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un grand bâtiment de stockage. C'est un centre de stockage provisoire de déchets avec un permis de 40 ans. Ils stockent des castors et des combustibles. Hier stehen die Kastoren drin. Et ces déchets attendent une solution définitive qui ne viendra jamais. Sur toute la planète, aucun pays n'échappe à la question. Aura-t-on la volonté politique et les moyens de financer le démantèlement des centrales nucléaires ? L'Allemagne, par exemple, est très discrète sur ce que devrait coûter la mise hors service et le démantèlement de ses 17 réacteurs nucléaires d'ici à 2022. On sait que le retour à l'herbe de Niederreichbach a coûté à lui seul 90 millions d'euros. Et on estime que le démantèlement des 5 réacteurs de Lubmin a atteint en 20 ans les 4 milliards d'euros. On peut comprendre cette discrétion de l'Allemagne quand les estimations du coût des opérations de démantèlement dans ce pays varient de 45 à 300 milliards d'euros sur 20 ans. Des chiffres vertigineux. En France, EDF et Areva estiment qu'avec 18 milliards d'euros, ils ont suffisamment provisionné pour la déconstruction des 58 réacteurs répartis sur le territoire. Si on appliquait aux 58 réacteurs français, j'ai pas compris la hague dedans, parce que c'est encore un autre problème, et j'ai pas compris le militaire non plus dedans. Nous nous promènerions plutôt autour de 150 milliards. À la louche, ça peut être 120 et ça peut être 170. Dans l'état budgétaire actuel, où nos concitoyens sont vraiment dans la difficulté, où on a besoin d'argent sur le plan social, on a besoin pour faire de la relance économique, qui peut réellement penser qu'on va mettre 100 milliards ou 150 milliards pour démanteler nos centrales nucléaires ? D'après mes informations, les fonds alloués au démantèlement auraient été investis en bourse. Et Entergy y aurait perdu 40% de ses fonds prévus pour le démantèlement. Donc, il est vrai que si la centrale devait fermer aujourd'hui, Entergy n'aurait pas assez d'argent pour lancer le démantèlement. La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà, il y a un grand problème de faisabilité technique. Et on en a un très bon exemple avec Brennilis. Mais au-delà de la faisabilité technique, Mais les deux sujets sont liés, il y a la faisabilité financière. Pourquoi est-ce que les deux sujets sont liés? Parce que plus on a des difficultés techniques, plus ça coûte cher. L'EDF a prétendu montrer un exemple de sa capacité, de son talent pour faire de ce Brennilis, donc l'exemple même de sa compétence pour faire du démantèlement, et ça a été un fiasco total. Et ils sont aperçus que le démantèlement coûterait au moins 20 fois plus, 480 millions d'euros, c'est-à-dire 20 fois plus que le prix affiché au départ. Pour le démantèlement, je parle. C'est gravissime. En tant que citoyenne, moi, je me dis, mais est-ce que réellement, un jour, on va aller démanteler ces centrales nucléaires? Voilà, voyez-vous, c'est pour moi une vraie question, parce qu'au-delà du coût, je pense qu'on n'a pas l'argent qu'il faut pour. Et je ne vois pas où on va le trouver. Dans tous les pays du monde, le démantèlement des centrales nucléaires coûtera beaucoup plus cher que prévu. La déconstruction se révèle complexe, longue, dangereuse, et la gestion des déchets reste partout un casse-tête. Faut-il donc démanteler nos centrales immédiatement ? A-t-on vraiment les capacités techniques et financières de déconstruire et de stocker les déchets nucléaires en toute sécurité ? Des questions essentielles. Au moment où certains pays envisagent de ne plus dépendre de la seule énergie nucléaire, voire même de l'abandonner. Et avec Léa Salamé, notre invité ce matin est avocat. Il publie dans la collection Tract de Gallimard un court texte intitulé « Sans la liberté ». Vous pourrez dialoguer avec lui dans 10 minutes environ, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application de France Inter. François Sureau, bonjour. Bonjour. Texte court mais brûlant et brillant sur le recul constant et désormais accéléré de la liberté en France et des libertés. Les libertés publiques, le droit de manifester, le droit d'écrire ce que l'on veut sur Internet, le droit de mal penser. On va y venir en détail. Mais d'abord, essayons de caractériser ce texte. Est-ce un texte de colère, de résignation ? Est-ce le texte d'un pessimiste qui a renoncé ou d'un pessimiste qui espère encore ? C'est un texte d'étonnement, en fait. D'abord, la mélancolie est en général mauvaise conseillère, et puis la mélancolie manifeste un manque de vitalité. Et j'essaie de dire ensuite comment une part de ce qui se passe à l'heure actuelle me paraît venir essentiellement d'un manque de vitalité. Donc c'est plutôt un texte optimiste en réalité, parce que je ne désespère pas de voir ce qui nous caractérise fondamentalement en tant que Français, en tant qu'Européens et en tant qu'Occidentaux, qui est l'amour de la liberté. rester au péril de toutes les aventures et de tous les risques, reprendre le dessus après une période marquée par la trouille généralisée et le gris préfectoral. Je pense que c'est profondément quelque chose qui affleure et avec lequel beaucoup plus grand nombre de Français sont d'accord qu'on ne le dit. Maintenant, c'est sûr que c'est un texte qui vient de l'étonnement d'un homme qui est né 12 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été élevé dans le souvenir des grands ancêtres, dans l'amour des libertés publiques quand il faisait ses études. Quand j'étais jeune, comme beaucoup de gens de ma génération, j'allais à l'école et je me souviens très très bien. En venant ici, je me souvenais parce qu'il faisait nuit. Voilà. L'hiver, il fait nuit le matin, il fait nuit le soir quand on sort de l'école. Et puis notre maître, il n'y avait pas de photocopie, avait tapé à la machine un poème et il nous le donnait à commenter sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. Pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Et cette génération qui est... Vous voyez le poème d'Éluard auquel je fais référence. Et cette génération, qui est la mienne, 50 ans après, vit dans un pays où le gouvernement peut choisir ses manifestants. Un pays où on continue d'enfermer les gens après l'expiration de leur peine. Un pays où on censure la pensée. Un pays où des juges ont qualité pour dire l'expression et censurer ou non l'expression d'une opinion. Un pays où il n'est pas nécessaire de passer à l'acte pour être condamnable, mais simplement d'en avoir l'idée. Rien de tout ça n'était concevable pour quelqu'un de ma génération. Et mon étonnement vient du fait que tout ceci s'est produit dans l'espèce de silence ouaté de la vie administrative auquel nous avons totalement cédé, à laquelle nous avons substitué notre idéal de la société politique elle-même. On va revenir sur chacune de vos charges, là, ce que vous dites sur la société actuelle. Mais d'abord, vous dites que c'est les combats de ma génération. Pensez-vous que ces combats... sont définitivement révolus, au fond que la génération qui a suivi a tourné la page avec légèreté et arrogance. Au fond, votre texte n'est-il pas la nécrologie de la liberté ? Je ne pense pas que ça soit la nécrologie de la liberté parce que la liberté continue d'affleurer. Je suis frappé d'une chose, c'est que... Si vous voulez, on parle des codes, on parle des lois. Le problème des lois que je mentionnais, c'est que tant qu'elles ne sont pas mises en application, on ne les voit pas bien advenir. Mais enfin, il reste un réel sensible, un réel qu'on peut toucher. Et par exemple, les policiers en tenue de Goldorak partout. Il y a des spectacles qui, à moi qui étais un peu à l'étranger, me rappellent Sarajevo ou l'Afghanistan ou le pont de Mitrovica. L'autre jour, je traversais la place de la République. Et je vois pour encadrer 200 gars qui manifestaient contre la mort d'un jeune à Nantes... Steve Mayakaniso. Voilà, 300 gendarmes mobiles ou CRS, pourvus d'une arme qui est le fusil d'assaut de la Bundeswehr, qui tire des balles à la vitesse de 900 mètres secondes avec un calibre de 5,62 mm, 750 coups par minute au rafale ou à coup par coup. Et en voyant ça qui m'a sauté à la figure, je me suis dit, mais dans quel état... vit-on où le gouvernement considère que son propre peuple est un adversaire de type militaire. Et ceci, ce sentiment-là, je peux vous le dire, c'était rien, c'était Place de la République, il y a des gens autour de moi, il était partagé de manière sensible par la quasi-totalité des gens avec lesquels je me trouvais. Oui. Et ceci me fait penser qu'en réalité, au fond, la liberté, dans le sens de la civilité la plus simple, n'est pas totalement morte. Oui, mais le recul de la liberté, François Sureau, et votre livre le démontre, ça se joue à deux. Ça n'est pas que des préfets habillés en gris ou des hommes politiques inconscients. Il y a aussi une demande sociale, parfois, de plus de sécurité, de plus de protection. De l'homme fort qui remet en cause la démocratie. Qu'un bon vieux régime autoritaire serait mieux. Non, mais c'est exactement ce que j'ai essayé de décrire. C'est-à-dire que je pense que face au recul des libertés, il y a plusieurs études qui sont vaines. D'abord, il y en a une qui est dangereuse, qui consiste à dire nous allons faire rempart de notre corps pour éviter la diminution des libertés. Ce dont j'aimerais que tout le monde soit conscient, c'est que nous n'en sommes déjà plus là. La liberté a déjà disparu. Nous sommes déjà dans un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de publier ce que nous voulons, un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de manifester, sauf à être contrôlés avant la manifestation par des représentants du parquet. Ça n'est rien. Évidemment, on n'est pas la Turquie, on n'est pas encore l'Égypte de l'effarant Al-Sissi, mais nous sommes déjà dans un pays dans lequel notre idée absolument transcendante de la liberté qui doit céder à tout le reste, cette idée-là a disparu à cause de cet arbitrage entre la liberté et la sécurité. Donc ça, déjà, c'est quelque chose avec quoi il faut rompre. Maintenant, il y a aussi autre chose avec quoi il faut rompre, c'est l'idée d'en accuser le gouvernement. Enfin, le gouvernement, les gouvernements. Alors, cela dit, malgré tout, c'est vrai que ça répond à une demande sociale. C'est vrai qu'il y a une demande sociale très forte de sécurité, parce qu'elle est comme ça. Nos régimes ont été fondés sur le fait qu'il fallait garantir les libertés, parce que si on ne les garantissait pas, la demande de sécurité était toujours la plus forte et allait toujours l'emporter. C'est ce qu'explique Hamilton, c'est ce qu'expliquait Jefferson, c'est ce que les constituants pensaient au XVIIIe siècle. Les digues par lesquelles nous maintenions ces libertés ont progressivement sauté dans la période récente. Ce qui me frappe personnellement, c'est que, réserve faite de l'horreur des attentats, elles ont sauté alors que nous étions affrontés à des époques bien moins difficiles que celles de nos prédécesseurs. Quand Michel Debré a écrit la Constitution de la Ve République en 1958, il l'a écrit en maintenant les droits de l'autorité judiciaire gardienne des libertés publiques, à l'époque où c'était la guerre d'Algérie, où il y avait 3 attentats par jour, et où des soldats français mouraient au combat. Et c'était Michel Debré qui n'était pas le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme. Vous vous reprochez aujourd'hui au gouvernement d'avoir fait rentrer dans le droit commun les mesures d'exception de l'état d'urgence. Ça va au-delà du gouvernement. Ce qui me frappe, c'est ce qui a disparu, au fond, c'est cette idée de la liberté comme valeur première. Vous savez, Maritain dit très très bien quelque chose dans un texte publié pendant la guerre. Il dit, au fond, il faut regarder attentivement ce que disent les hommes politiques. Quand un homme politique vous dit, la liberté, certes, mais la sécurité, oui, ce qu'il vise, c'est la sécurité seulement. Quand un homme politique vous dit, la sécurité, certes, mais la liberté, ça veut dire qu'il préfère la liberté. Depuis 30 ans maintenant, nous entendons, la liberté, oui, mais la sécurité. Ce qui veut dire la sécurité d'abord. Dans ce mouvement, j'ai vu comme tous les gens de ma génération, d'ailleurs. J'ai vu disparaître la gauche humaniste, celle qui m'avait élevé, celle de Bredin, celle de Badinter. Elle a disparu, on n'entend plus aucune de ses voix. La gauche a été littéralement confisquée par l'option répressive de la droite. Et dans la droite, j'ai vu disparaître, à l'exception de Courson, dont on parlera encore dans les livres d'histoire dans 30 ans, j'ai vu disparaître la droite gaulliste ou démocrate chrétienne issue de la résistance. Et en fait, ceux qui sont ni de droite ni de gauche, la génération à laquelle vous faisiez allusion, ceux qui sont ni de droite ni de gauche, on rejoint cette espèce de course à l'abîme de manière, pour moi, extrêmement surprenante et, j'ose le dire, décevante. François Sureau, vous avez des mots très durs contre ce que vous appelez l'effarante loi sur la haine en ligne qui a été adoptée en juillet dernier en se fondant sur la répression de la haine, je vous cite. La loi introduit désormais la répression pénale à l'intérieur de la conscience. Oui. Expliquez-nous cette phrase et dites-nous quoi, alors, s'il faut en prendre son parti, s'habiter tué à la haine, en ligne, à la chasse en meute, à la violence verbale. Dites-nous pourquoi cette loi est effarante. Je vais commencer par la fin. Alors qu'elle a de bonnes intentions, j'imagine. Je vais commencer par la fin. Et je voudrais dire sur la fin que les intentions sont bonnes, et la plupart des intentions sont bonnes en ce domaine. L'intention de plus de sécurité est bonne, l'intention de réprimer les discours haineux, antisémites, horribles, affreux est bonne, je les partage entièrement. Ce que je pense, en revanche, c'est que la liberté n'existe pas sans les inconvénients de la liberté. Ça, c'est quelque chose que nous avons complètement oublié. La liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté d'être, la liberté d'aller et venir suppose que cette liberté puisse, réserve faite de la provocation à la haine raciale ou de la provocation au meurtre individuel, ceci suppose que la liberté, au fond, puisse blesser, puisse déranger, puisse conduire à l'hostilité, puisse conduire à l'émeute, puisse conduire en réalité au mouvement. Nous ne sommes pas des Aztèques. Notre but n'est pas de fabriquer une société parfaite dans la crainte du déferlement du chaos. Notre but, c'est, ça a toujours été dans l'histoire, c'est ce que Malraux disait quand disait que l'histoire de l'Occident était l'histoire d'une mise en question devenue folle. Notre but, c'est donner à notre incertitude ontologique, à notre doute sur la meilleure forme politique possible, un mouvement qui, grâce à l'aliment de la liberté, nous permette de progresser dans l'histoire. Tout ce qui conduit à brider ce mouvement, à l'arrêter, à le foutre entre parenthèses, même pour les meilleurs motifs, est quelque chose de dangereux pour notre être-même. Et même si le peuple le veut, même si les gens le réclament. Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle nous avons une constitution. C'est la raison même pour laquelle nous avons un contrôle de constitutionnalité qui n'est pas fait par des gens élus, parce qu'il existe à l'intérieur de notre être politique quelque chose à quoi même le peuple ne peut pas toucher, le désirerait-il, et qui sont ce que le préambule appelle les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Pourquoi, François Sureau, réclamez-vous le plein exercice du droit de haïr ? Est-ce que haïr, c'est un droit de l'homme et du citoyen? Ah oui, bien sûr. Bien d'abord, je rappelle que quand même, nous sommes devenus extrêmement puceaux avec ces histoires. La République est née de la haine des tyrans. Quand j'entendais au moment des Gilets jaunes, les membres du gouvernement républicain s'étonnaient qu'on ait bousillé une statue de mauvaise facture sous l'Arc de Triomphe, comme si on avait profané quelque chose. Mais la Révolution n'a jamais fait rien d'autre. Dans l'espoir fou du progrès et de l'émancipation individuelle et collective, dans l'espoir de ce que Sartre appelle le salut laïque à la fin des mots, la Révolution a voulu briser les idoles, celles-là comme les autres, les rois à Saint-Denis, comme les statues maintenant, qu'on prétend respecter pour oublier que les gens sont malheureux. Donc c'est légitime de défoncer une statue à l'Arc de Triomphe, c'est ce que vous dites? La question n'est pas celle-là. La question est qu'il n'est certainement pas légitime et ça doit être puni une fois que c'est fait. Mais la construction d'un ordre répressif a priori qui empêche tout risque de cette nature, cette construction-là, elle est blâmable parce qu'elle ne correspond pas à ce qui est le mouvement même de la République. Et puis vous dites qu'on ne veut plus voir que le mal existe en chacun de nous, oui. Qu'on en a peur, oui. Et qu'on cherche donc par des constructions juridiques, des lois, des droits, à oublier ça. Mais je crois que la question fondamentale, elle est là. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Au fond, nous vivons sous deux choses. Qu'il faut que ce phénomène que je décris, c'est pas un phénomène auquel doit répondre la simple indignation, mais la réflexion, parce que ce phénomène a deux causes extrêmement profondes et qui sont des causes anthropologiquement difficiles à discerner. La première cause, d'abord, c'est que depuis la mort de Dieu, si je puis dire, et depuis la mort aussi des religions séculières politiques, comme disait Aaron, qui a succédé à l'idée du salut collectif dans le divin, au fond, nous nous sommes fait une idée de la perfection de l'homme. Tout ce qui blesse la perfection de l'homme doit être réprimé. La perfection de chaque homme. Alors, ce qui blesse la perfection de votre être physique doit conduire à ceci. Ce qui blesse la perfection de votre désir d'avoir tel ou tel enfant dans telle ou telle configuration doit être réprimé. Ce qui blesse vos options par l'émission de l'option des autres doit être réprimé. Et donc, nous vivons dans le rêve d'une société de la perfection individuelle. Ce rêve provoque une société de la peur. Une société de la peur où chacun a peur pour la perfection de sa propre vie, que tous les journaux, tout le monde lui présente sans cesse comme quelque chose de désirable. Cette peur génère à son tour une organisation sociale et collective de la peur. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir que depuis 20 ou 30 ans, l'ensemble de la société s'organise pour faire advenir cette organisation collective de la peur et non pas, d'une certaine manière, un encadrement, si je puis dire, d'une société de l'aventure. Cette peur est interne, mais c'est aussi une peur extérieure. Regardez par exemple l'Égypte, qui est un pays auquel je suis très attaché. Ce qui se passe en Égypte en ce moment est exactement de la même nature. Ça, l'organisation de la peur nous dégrade, nous, en tant que Français, par la diminution de la liberté. L'organisation de la peur nous conduit à vendre des rafales à un gouvernement abject qui fait le malheur de son peuple et qui, en ce moment, emprisonne des avocats par milliers simplement parce que nous pensons que c'est un rempart contre l'islamisme. Cette organisation de la peur nous dégrade dedans, elle nous dégrade dehors. Vous dites qu'on a remplacé l'idéal de liberté par le culte des droits. On mélange la liberté et les droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi l'idée du XVIIIe siècle? J'y tiens beaucoup, au fond. Je vais faire sursauter, évidemment, tous les historiens qui nous écoutent, mais j'ai toujours eu l'impression qu'avant le XVIIIe siècle, nous vivons, dans les meilleures intentions du monde, y compris celle du salut, dans une société de la peur, et que la grandeur du XVIIIe est de nous avoir libérés de ça. Nous sommes en train de faire mouvement, à l'heure actuelle, vers mouvement arrière, vers à nouveau une société de l'archaïsme et de la peur, et notamment une société qui mélange sans cesse la morale et la norme. C'est devenu presque notre caractéristique. Et donc, la liberté du XVIIIe siècle, c'est quoi? Ça n'est pas le droit pour chacun de faire ce qu'il veut, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que cette liberté est limitée par celle des autres. La liberté, au sens du XVIIIe, c'est la liberté de privilégier partout, Bernanos le dit très bien, le sentiment que chaque citoyen a de la liberté d'autrui. C'est ça le sentiment de la fraternité politique. S'il n'y a pas de ça, il n'y a pas de société politique. Il y a simplement des hommes ou des groupes qui réclament à l'État de faire respecter ses droits au détriment du droit des autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Chaque minorité réclame son droit. C'est ce qui se passe et c'est ce qui signe la mort de la société politique. À la fin, que va-t-il se passer? À la fin, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer que nous n'aurons plus rien qui nous rassemble. Nous n'aurons absolument plus rien qui nous rassemble. Nous n'aurons plus cet idéal de la société politique et du progrès vers une société meilleure. Et nous n'aurons plus que le culte de la nature. Et quand c'est ce que nous voyons sous nos yeux se développer. Et on finit comme Fabre d'Églantine, hein, celui qui avait écrit « Il pleut, bergère » et qui finit à la Convention nationale par faire couper des têtes au nom des grands principes. Et quand il n'y a plus de politique, François Sureau, on prend ce que vous appelez un Viagra administratif et hop, ça repart. Alors la question de l'administration est très compliquée parce que en réalité cette organisation, si vous voulez, de la société de la peur à laquelle on assiste depuis 20 ans, en fait se déroule de manière assez classique sous la Ve République, se déroule sous l'injonction et l'impulsion administrative. Je suis très frappé de voir que cette disparition du politique, parce que c'est ça le politique, c'est en fait la réflexion permanente sur la construction de la société de liberté. S'il s'agit simplement de la construction de la société néo-chinoise, de la crainte du chaos, n'importe quel fonctionnaire y suffit, et c'est la raison pour laquelle nous observons à l'heure actuelle la prédominance des fonctionnaires dans les décisions gouvernementales. Alors le fonctionnaire, il est compliqué, parce que d'un côté, il faut, d'une certaine manière, doper les bonnes idées par la création de la commission Tartemolle, et là, c'est le Viagra administratif. Puis à d'autres moments, le peuple est un peu inquiétant, donc il faut lui coller de grandes doses de bromure, et là, on s'en tire avec des discours délifiants, et nous sommes sans arrêt balancé entre l'un et l'autre. La libido bureaucratique. La libido bureaucratique nous gouverne. Nous gouverne. Avant de donner la parole au standard, quelques questions sur l'application de France Inter. Monsieur Sureau, dit Rémi, quel est votre rôle? D'où parlez-vous? Pourquoi ne vous engagez-vous pas en politique? Le ministère de la parole est une fonction facile. Eh ben écoutez, je vais vous dire, je trouve que c'est une fonction facile, mais je trouve que c'est une fonction qui est très très peu tenue. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on est plutôt 4 ou 5 que 3 ou 4 millions. Et j'invite d'une certaine manière notre camarade Rémi à nous rejoindre et à parler. Parce que les gens qui veulent exercer du pouvoir sur les autres, ils sont extrêmement nombreux. Et à la fin, c'est ça dont il est question dans les activités gouvernementales. Mais les gens qui ne souhaitent pas exercer du pouvoir sur les autres et qui souhaitent simplement rappeler que... ce qui compte, c'est ce qui compte pour nous en tant que citoyens, en tant que simples citoyens, en tant que citoyens qui ne gouvernent pas, est quelque chose d'absolument éminent. Eh bien, je trouve que plutôt cela devrait plutôt se grouper ensemble plutôt que de rêver d'être ministre. Toujours sur l'application Inter, pour répondre plus rapidement, Paul vous demande pouvez-vous nous dire quelles mesures vous prendriez face à la violence et à l'impunité des Black Blocs? Merci, ajoute-t-il. Oui, c'est très simple, il existe un code pénal. Le fait qu'on le change pratiquement une fois par an depuis 15 ans en pure perte, alors que c'est un des codes pénaux les plus répressifs de l'espace européen, permet de répondre à la question. Les Black Blocs, eh bien, il y a deux solutions. Ou bien on sait qu'une manifestation peut être dangereuse, et depuis 1930 en France, on a la possibilité de l'interdire, mais non pas de contrôler individuellement les manifestants qui, eux, ne sont pas des Black Blocs et qui voudraient y participer, ce qu'a fait la loi anti-casseurs. Ou bien on ne l'interdit pas et on casse, on chope les gens et on les fourre au ballon. Ça s'appelle le code pénal, ça existe comme ça, pratiquement depuis l'ancien code d'instruction criminelle. Il suffit de le respecter. Dernière question sur l'application d'Inter. Pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont également victimes de ce recul des libertés et d'une justice aux ordres de l'Élysée? Alors là, pour le coup, je ne le pense pas du tout parce que ça demanderait un long développement. Je pense que, si vous voulez, les amateurs, les défenseurs des libertés dont je suis en général, préfèrent les juges au pouvoir politique. Et naturellement, je préfère que les juges soient indépendants du pouvoir politique parce que c'est une question de séparation des pouvoirs. Maintenant, c'est vrai qu'un certain problème se pose quand les juges paraissent animés, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime avec les parlements, avec le mécanisme des remontrances par exemple. Ça pose un certain problème quand les juges sont animés d'une certaine manière, d'une sorte d'hubris propre qui les porte à incarner la morale, ce qui me paraît quelque chose d'extrêmement régressif et d'extrêmement dangereux. Un système normatif démocratique est un système dans lequel le droit n'est pas censé se mélanger avec la morale. J'étais très frappé, naguère pour le procès Carignan, hier pour le procès Balkany, de voir l'extraordinaire dimension morale des juges. Je pense que sous ce rapport, l'investissement moral du juge est quelque chose qui peut menacer la démocratie politique, mais certainement pas en réalité sa soumission au pouvoir. Vous diriez que dans la condamnation de Patrick Balkany, les juges étaient trop soumis à l'opinion publique? Peut-être pas nécessairement à l'opinion publique, mais à la conception qu'ils se font de leur moralité propre. François Sureau, Emmanuel Macron a décidé d'organiser un débat sur l'immigration lundi à l'Assemblée nationale. Il appelle sa majorité, je cite, à regarder en face la question de l'immigration pour ne pas être un parti de bourgeois, parce que les bourgeois ne voient pas l'immigration alors que les classes populaires vivent avec. Vous qui êtes un bourgeois, est-ce que vous vous sentez pointé du doigt par le président de la République? Je me sens pointé du doigt avec plaisir à chaque fois qu'un homme politique, fût-il le plus éminent, a qualifié à qualifier ses opposants de bourgeois. C'était plutôt un honneur à leur faire, en particulier dès lors qu'il est question de défense des valeurs humanistes et de la liberté. Donc je porterais plutôt ça comme une décoration. Maintenant, je n'y attache pas une extrême importance. Nous sommes là dans une figure absolument classique du ballet politique de la Ve République, ou alors qu'il n'y a pas spécialement d'attentats islamistes ou de problèmes communautaires. Pour des raisons probablement électorales, la décision est prise d'organiser un débat sur l'immigration en le liant au problème d'identité nationale et au problème de l'islam, et au problème de terrorisme, ce qui est quand même assez extraordinaire, puisque s'il existe des problèmes, ils ne sont pas nécessairement liés à l'immigration d'aujourd'hui, mais plutôt à l'immigration d'avant-hier. Et sauf à trier les Français entre ceux qui sont devenus Français il y a une génération et ceux qui le sont devenus il y a trois générations, on est là à affronter un problème réel. Je referme cette parenthèse. Il y a donc ce discours qui obéit à quelque chose. Et à la fin, tout le monde sait comment ça va se terminer. Comment ? Il existe, dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, le chef de bureau Tartemolle, au bureau B4 de la sous-direction 12, qui est le même fonctionnaire dont on se sert à la fois depuis Monsieur Sarkozy, pour rédiger les trois petits bouts de texte qui ne serviront à rien, mais qui permettent de donner l'impression que l'on fait quelque chose. Et donc, nous assistons ainsi à une figure qui rappelle à la xénophobie latente près celle des Indes galantes de Rameau, en version désagréable, où il y a d'un côté le grand débat parlementaire, et de l'autre, le sous-chef de bureau qui va tripatouiller l'application de la circulaire 4 pour donner l'impression que la législation devient raisonnablement xénophobe. Vous avez l'impression que le macronisme est en train de devenir un sarkozisme ? Je pense que c'est au-delà de ça. Je pense qu'il existe dans le domaine des libertés publiques, je pense qu'il existe un courant, un fort courant entre les deux, un fort courant qui unit les deux, qui est un courant que je déplore. Je ne le déplore pas seulement pour des raisons qui me paraissent tenir à l'idée que je me fais de l'honneur national, en quelque sorte. Je le déplore aussi parce qu'il est totalement inefficace. Parce que, par exemple, l'une de ses applications était la loi Collomb sur l'immigration et l'asile, qui a démontré qu'elle était un ratage complet. Vous êtes proche d'Emmanuel Macron, de l'homme Emmanuel Macron, vous le dites vous-même. Est-ce qu'il vous écoute parfois ou il en a marre du colonel Ronchon, pour prendre votre expression que vous nous avez sortie? Vous vous êtes vous-même affublé de ce terme-là la dernière fois que vous êtes venu. Est-ce qu'il vous écoute parfois, Emmanuel Macron? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il en a assez du colonel Ronchon, en réalité. Je vais essayer de me rajeunir un peu pour dire des choses qui seraient plus susceptibles d'être entendues. On n'en sait rien. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que ces questions ne lui sont pas indifférentes, même sous le mode de l'hostilité. Vous voyez, il y a des gens qui n'écoutent pas du tout. Et même sous le mode de l'hostilité, de la discussion ou de l'échange des idées, ces questions ne sont pas indifférentes. Je vais évidemment pas raconter les discussions que j'ai eues à l'occasion de la loi anti-casseurs, à laquelle j'étais très opposé, et sur laquelle il a fini par saisir le Conseil constitutionnel. C'est pas de mon fait. Mais nous avons eu un débat, et il y avait un débat. Et au fond, je suis tout prêt à me satisfaire qu'il y ait encore un débat. Le lanceur d'alerte Edward Snowden a demandé au micro de France Inter l'asile à Emmanuel Macron. Qu'il dépose un dossier comme tout le monde a été en substance la réponse qui lui a été faite. La France doit-elle accueillir Snowden ? Eh bien, j'en sais rien. Enfin, moi, personnellement, je pense plutôt que oui, naturellement. Mais je trouve que, pour le coup, la réponse d'Emmanuel Macron est la bonne. Nous avons une tradition de l'asile. Il faut continuer d'être sérieux avec ce qui fonde notre tradition nationale. Nous avons une tradition de l'asile. La tradition de l'asile, c'est que c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas le gouvernement, c'est pas le président, c'est pas le ministre qui décide si Monsieur Snowden doit avoir l'asile. C'est un organisme qui est soumis au juge, à la Cour nationale du droit d'asile, dans lequel Monsieur Snowden vient, explique ce qu'il a fait, explique ce qu'il risque. Parce que c'est très important, le risque effectif de persécution. Vous voyez bien que le risque effectif de persécution n'est pas absolument le même s'il s'agit d'un ressortissant américain ou d'un ressortissant iranien. Tout ceci est présenté, et à la fin, quelqu'un d'indépendant dit si Monsieur Snowden doit avoir l'asile ou pas. Personnellement, c'est pas très médiatique, mais je trouve ça absolument grandiose, ça nous fait honneur, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut maintenir. D'un mot, vous pouvez nous dire ce que vous avez contre le projet d'immatriculation des bicyclettes? C'est l'un des points les plus brûlants de votre livre. Ah oui, non mais je trouve ça, non mais si vous voulez, ça fait partie des multiples petites choses qui s'accumulent, parce que je vous ai parlé des trucs très sérieux, les lanceurs de balles de défense, les mutilations, l'interdiction de l'interdiction de manifester, la loi Avia. Et puis vous avez tout le climat de ça. Vous avez le fait que, par exemple, quand je vais allumer ma pipe dans 30 secondes dans ce studio, tout va sonner. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'allumer votre pipe. Voilà, exactement. Je n'ai pas le droit. Vous allez allumer votre pipe. Je vais vous raconter une histoire qui va exactement vous. Le père de C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, est dans un compartiment de chemin de fer. Il est dans un compartiment de chemin de fer en Écosse. Il y a là un type qui baisse son pantalon et qui défèque. Une puanteur épouvantable se répand dans le compartiment. Le père de C.S. Lewis allume sa pipe et tout le monde lui tombe dessus en lui disant « Vous ne pouvez pas fumer ». Et ben, le monde moderne, c'est ça. Y compris pour l'immatriculation des vélos. Vive la liberté. Merci beaucoup François Sureau d'avoir été au micro d'Inter. C'est une fois encore un très grand plaisir de dialoguer avec vous et de vous lire « Sans la liberté », collection Tract chez Gallimard. Merci encore et n'allumez pas cette pipe dans le studio, s'il vous plaît. Sinon, c'est notre faute. Je suis fâché, je voulais qu'on récite ensemble le préambule de la déclaration, mais ça sera pour une autre fois. Avec plaisir. Vous reviendrez. Thank you. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire comme tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. Dites-nous donc à quel 22 octobre vous a déposé votre machine à remonter le temps, mon cher Franck. Le 22 octobre 1941, donc, ce jour où le jeune Guy Moquet est exécuté par les Allemands. Mmh. Guy n'avait que 17 ans, il fait partie de 48 otages fusillés à Nantes, à Paris, à Châteaubriand donc, en représailles à la mort du lieutenant-colonel Hotz qui avait été tué par des résistants à Nantes. Mais pourquoi choisit-on ce jeune garçon, Franck? Pourquoi Guy Moquet? Alors parce que c'est un militant communiste. Il s'est fait pincer en train de coller des papillons dans la rue. Les papillons, vous savez, ce sont les ancêtres de nos autocollants. Il distribuait aussi des tracts dans le 17e arrondissement de Paris, des tracts qui réclamaient entre autres la libération de son père, Prosper Moquet, qui avait été mis sous les verrous au tout début de la guerre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, en octobre 39, du fait de son engagement politique. C'est sur dénonciation que le jeune Guy a été arrêté pour sa part dès octobre 1940. Et c'est donc comme ça qu'il s'est retrouvé sur la liste des otages à exécuter, voilà. C'est ça? Exactement, des otages choisis par Pierre Pucheux, le secrétaire d'État à l'intérieur du régime de Vichy. Les Allemands ont exigé 5 ans de vie. Vichy leur en fournit une liste de 61 otages, libres à eux d'engracier 11. Alors Pucheux a choisi des syndicalistes et des communistes, je cite, « pour éviter de laisser fusiller 50 bons Français ». Voilà ce qu'il aurait dit. Notez que le petit Moquet ne faisait pas partie de cette liste. Il a été rajouté au dernier moment. Et le 22 octobre 41, on installe 9 poteaux dans une clairière proche de Châteaubriand. 9 poteaux pour 27 otages, vous imaginez la scène. Oui. Avant d'être exécuté, Guy a le temps d'écrire à ses parents cette très célèbre lettre, hein, si poignante, qui commence par « Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré », etc. Et il est impossible de lire cette lettre sans avoir au moins les larmes aux yeux. Et il faut aller la lire, hein, vraiment, oui, vraiment, si vous ne l'avez jamais lue, allez-y, elle est poignante. Et en début d'après-midi, avec Charles Michels, avec Jean-Pierre Timbaud et les autres, il est donc fusillé. Guy Moquet va devenir un martyr pour les communistes de l'après-guerre. C'est ce qui a fait évidemment la polémique il y a quelques années, quand le président Sarkozy a fait lire cette lettre dans les lycées. C'était à partir de 2007, mais ça, c'est une toute autre histoire. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, à toi en particulier, petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Okay. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et Rino. Quant à mon véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui je l'escompte sera fier de les porter un jour. Adieu, les copains. À toi, petit papa. Si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman bien des peines, je te salue pour la dernière fois. Les hommes sont admirables. Admirable. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en être davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman. Serge, papa. En vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Ni la prière aux agonisants,

qu'il souffrait beaucoup. Et il me disait qu'il était souvent changé de régiment. À l'aéroport de Rabat, le ministre délégué de la Défense, chargé des anciens combattants, Kader Arif, est venu chercher les Goumiers. Mais pas n'importe comment, avec l'avion personnel du président de la République, tout un symbole. C'est une belle fierté, une belle marque de reconnaissance. Et moi qui suis un Méditerranéen, je sais ce que peut être la force du symbole. Dépaysement garanti dans cet Airbus de grand standing pour ces soldats de base de notre ancienne armée coloniale. Certains n'avaient jamais même pris l'avion de leur vie. Comme cet homme qui n'en revient pas à l'atterrissage en Corse d'être, dit-il, descendu des étoiles. Au réveil en Corse ce matin, tous les souvenirs se bousculent. Nadir Ali, 93 ans, et une énergie incroyable, raconte comment il a neutralisé, baïonnette au canon, un orgueilleux soldat nazi, avant d'être blessé dans la bataille du col de Teguim. Et c'est à cet endroit, surplombant Bastia, où tant de goumiers sont morts pour la France, que cet après-midi, les vétérans marocains de cette épopée ont reçu les honneurs de la République. Car là-bas, à Saint-Florent, face à la mer d'où ils sont venus, reposent depuis 70 ans en terre de France leurs frères d'armes, ces vaillants goumiers que l'on appelait alors les indigènes. Dans cette nécropole nationale sont enterrés 48 militaires morts pour la France, ici en Corse en 1943, 47 soldats marocains et musulmans, et un officier français chrétien qui les commandait. Il a souhaité être enterré aux côtés de ces hommes, sans aucun signe distinctif. Che Guevara serait-il devenu le nouvel avenir de la révolution ? Che Guevara est mort il y a 40 ans. Les militaires boliviens qui l'ont exécuté ont longtemps caché son corps pour qu'il ne soit pas l'objet d'un culte. Peine perdue. Du t-shirt aux prières des paysans boliviens pour apporter l'appui, l'image du Che semble avoir dévoré son action pour ne laisser qu'une icône. Qu'en est-il de sa pensée aujourd'hui ? Qu'est-ce que le guévarisme ? Dans leur ouvrage « Che Guevara, une braise qui brûle encore » paru chez Fayard, Olivier Besancenot et Michael Lowy répondent à ces questions mais s'attachent surtout à expliquer en quoi le marxisme humaniste de Ernesto Che Guevara est d'une actualité brûlante aujourd'hui. Mais pour beaucoup, la vie du Che reste à découvrir. On compte sur vous ce soir, Olivier Besancenot, pour en savoir un peu plus. C'est l'itinéraire d'un jeune Argentin qui vient d'une famille de classe moyenne, avec un père qui a fait la Révolution espagnole, donc un milieu un petit peu politisé, architecte, et qui évolue dans un milieu de réfugiés espagnols, dans un quartier plutôt populaire. Donc le Che va très très vite être en contact avec la misère latino-américaine dès son enfance, pas à sa maison, mais dans son quartier, avec toute une série de gamins qui sont désœuvrés. Et du coup, le Che se lance rapidement dans des études de médecine, à la fois parce qu'il y a cette misère qu'il constate, et puis parce que lui-même, peut-être, est asthmatique d'enfance, extrêmement asthmatique, il le sera toute sa vie, ça le poussera chaque fois dans des situations extrêmes. Et il fait beaucoup de sport. Et pour dépasser cette maladie-là, cette pathologie-là, il va se faire violence, d'abord par le sport, par des sports intenses comme le rugby, et puis ensuite, tout au cours de sa vie, je veux dire, il y a évidemment toute une série d'anecdotes dans ses combats militaires, où le Che à chaque fois se faisait violence, refusait de montrer ses faiblesses à ses camarades de combat et aller jusqu'au bout, parfois même à la limite de la mort. Il le fera jusqu'à la fin de sa vie. Donc le Che soigne régulièrement des enfants malades. Dans ses voyages, il va volontairement participer comme médecin apprenti à l'aide médicale dans des léproseries. Et puis il va constater une impasse, comme il le dit lui-même. Et c'est ça qu'il dit dans son livre Latina Americana. C'est « J'ai compris qu'à un moment donné, on ne pouvait pas simplement soigner les malades. » Il fallait s'attaquer à ce qui rend les malades malades, c'est-à-dire la misère. Et à un moment donné, il ne suffit plus comme médecin, et le médecin se double d'un révolutionnaire. Et il y a une adéquation entre ses paroles et ses actes. Et finalement, sa vie politique, c'est une vie extrêmement courte. Hein. C'est globalement 15 ans. Et c'est finalement trois grandes périodes. Il va d'abord avoir une grande séquence de voyages à travers l'Amérique latine, Il participe à des événements extrêmement importants. En 1954, il se retrouve au Guatemala. À l'époque, il y a un gouvernement qui fait des réformes plutôt progressistes, des réformistes sincères, on pourrait dire, dirigés par un colonel qui s'appelle Jacobo Arbenz. Et cette réforme agraire, elle est jugée absolument insupportable par la United Fruit, qui est en fait l'espèce d'équivalent de la grande multinationale américaine de l'époque. Et du coup, il va y avoir un coup d'État sanglant qui va renverser ce gouvernement-là, le gouvernement de Jacobo Arbenz. Et dans ce processus-là, dans cette contre-révolution finalement, le Che va tirer des enseignements politiques, mais il va surtout tirer des rencontres militantes avec des militants révolutionnaires, avec des exilés cubains, castristes. Et tout ça, ça va participer, je dirais, à sa politisation. Mais c'est important de comprendre que dans ses voyages, finalement, sa politisation, c'est d'abord une affaire de rencontres, d'échanges, de discussions. Et je crois que de ces rencontres humaines, ce qui va finalement marquer son marxisme à lui, c'est d'être marqué par un humanisme révolutionnaire. C'est-à-dire que, puisque son engagement vient de rencontres humaines, il pense que l'engagement politique peut avoir de sens que si c'est les humains eux-mêmes qui s'y mettent. Et ça, c'est déjà une première rupture qui va s'expliquer un peu plus tard dans la deuxième partie de sa vie, finalement, quand il va participer au gouvernement Cuba. C'est déjà une première rupture avec le socialisme russe, avec le socialisme réellement existant, qui est finalement présenté à l'époque, j'y étais pas, mais j'ai cru comprendre, comme un collectivisme caricatural qui nie l'importance de l'individu. Et pour lui, comme l'humain est au cœur du projet de transformation sociale, ça devient élémentaire. C'est-à-dire qu'un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui doit ressentir la révolte de façon personnelle, quel que soit le peuple qui est concerné sur le globe. Et de là, il tire son propre internationalisme. Et le torchon va progressivement brûler avec les autorités soviétiques, surtout dans la deuxième, finalement, grande partie de sa vie, qui est sa participation au gouvernement révolutionnaire cubain. Donc le Che rencontre Fidel Castro quand il est en exil au Mexique, après l'épopée du Guatemala, et ils partent dans la Sierra Maestra, qui sont finalement une zone montagneuse de Cuba, et ils sont pourchassés par 30 000 hommes, envoyés par la dictature de Batista, qui est une dictature particulièrement féroce. Et progressivement, cette guérilla qui constitue va se renforcer de l'appui des paysans, va se transformer en un mouvement de masse et va réussir à faire la révolution. Et son vieux projet, c'est que ce qu'a été finalement la Sierra Maestra pour Cuba, cette zone montagneuse qui a été un premier foyer de guérilla, puisse se transporter, puisse se généraliser, puisse s'étendre à la cordillère des Andes, qui est toute la zone montagneuse de l'ensemble de l'Amérique latine, qui devrait devenir un foyer de guérilla qui permettrait à différentes révolutions d'avancer en Bolivie, au Pérou et en Argentine. Il envoie en éclaireur des militants révolutionnaires. Il y a un premier noyau de guérilla qui va en Argentine, qui se fait décimer. C'est un drame individuel pour lui. Et du coup, il est obligé de se rabattre comme première base arrière militaire en Bolivie. De mois en mois, le Che va se retrouver dans une impasse politique et militaire. Il va se retrouver avec un noyau de 12 personnes, complètement isolé. Isolé non seulement des villes, mais isolé aussi de la campagne. Et c'est la grande différence avec Cuba. C'est-à-dire que les paysans qui, très rapidement à Cuba, vont accueillir les guérilleros, les barbudos à bras ouverts, vont être un foyer d'espions et de dénonciateurs en Bolivie. Pourquoi ? Et ça, le Che l'a un petit peu sous-estimé. Parce qu'en Bolivie, à la différence de Cuba, les paysans bénéficiaient d'une timide réforme agraire qui fait que les conditions paysannes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et dans cette impasse politique et militaire, le Che va terminer en effet les armes à la main dans un ultime combat où il va finir par se faire capturer. Olivier Mesançon, il y a des controverses, bien sûr, des choses autour du Che, et particulièrement, vous l'avez dit, ça a été un homme d'action, il avait des responsabilités telles qu'il a été en position de pouvoir faire exécuter un certain nombre d'hommes qui étaient généralement de la police secrète cubaine. Mais je crois qu'il y a deux façons de discréditer le Che. Soit de le faire passer pour un bourreau sanguinaire avec cette thèse-là, soit de le faire passer pour un saint et pour un surhomme. Le Che, c'était ni l'un ni l'autre. C'était un militant révolutionnaire avec ses forces et ses faiblesses. Maintenant, il y a des faux procès qui ont été faits. Enfin, en tous les cas, on présente comme un scoop 40 ans après le fait que Che Guevara aurait tué. Bien sûr, Che Guevara a tué. Évidemment, Che Guevara a fait une lutte armée, une guérilla contre une dictature qui était particulièrement féroce, qui était celle de Batista. Il y a une polémique, en effet, sur les exécutions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines, probablement, de Cubains du régime de Batista qui sont exécutés au moment de la libération cubaine, au moment de la révolution cubaine. Dire qu'il a jubilé à ce moment-là, je pense que c'est franchement calomnieux, parce que tous les témoignages des deux camps prouvent que le Che, dans sa pratique, n'avait rien à voir avec un sanguinaire. C'est quelqu'un qui soignait

Tom fera du chagrin si Tom dort point jusqu'à demain. Ni les marionnettes, ni le pain épice n'ont produit d'effet, mais le martinet a vite rapagé le petit Narcisse qui craignot de vire arriver le beauté. Il a disquanchon d'ormoire, Eusmer, l'ami d'un snoche noir, a repris cinq coussins et répété vingt fauches refrains. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin si Tom dort point jusqu'à demain. Plus que jamais, un grand nombre de médias mainstream sont soumis au pouvoir en place, au point qu'ils semblent évoluer dans une réalité parallèle à la nôtre. Pourtant, vous voyez bien votre monde partir à volo. Ce sont vos retraites qui sont grignotées, vos services publics qui sont abandonnés et les prix ne cessent d'augmenter. Comment lutter contre ce monde qui joue contre nous? Il faut d'abord être informé et correctement. Si le média venait à disparaître, vous perdriez une partie de cette information. Si nous sombrons, la bataille sera encore plus rude. Réagissez avant qu'il soit trop tard. Soutenez-nous. Qui parmi vous qui m'écoutez en ce moment imagine une seule seconde qu'à la mort de, disons, George W. Bush, des commentateurs américains éludent complètement les crimes entourant la plus grosse opération militaire extérieure qu'il ait menée, c'est-à-dire la guerre en Irak. C'est un peu dans cette situation surréaliste qu'on se retrouve en France, suite au décès de Jacques Chirac. Et cette amnésie organisée en dit beaucoup sur notre pays, la France, mais aussi sur son rapport à ses élites et à son habitus colonial. En tout cas, c'est ce que je pense et je vais vous expliquer pourquoi. Alors que l'ancien président français meurt, je pense à Jean-Louis Koulibaly Kwasi. C'est un nobody, né le 10 septembre 1979. Fils unique de sa mère, Suzanne. Il est mort le 9 novembre 2004, à 25 ans donc, décapité à Abidjan par l'armée française, qui a tiré sur lui à bout portant, selon des spécialistes sud-africains de médecine légale. Une armée française donc, sous les ordres de Jacques Chirac, qui a ouvert le feu sur une foule de civils désarmés et tué, en dehors de Jean-Louis Koulibaly Kwasi, plusieurs autres jeunes personnes, dont la plus jeune avait 12 ans. Vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est normal. En dehors d'un documentaire partiellement censuré sur Canal+, aucun média mainstream français n'en a jamais vraiment parlé. Aucun média français n'est jamais allé à la rencontre de Suzanne pour l'entendre parler de son fils. Je veux que le monde entier même sache que les Blancs ont tué mon enfant. Il faudrait que les Blancs eux-mêmes, Chirac lui-même là, ils sachent que vraiment il a tué une femme qui a un seul enfant. Même Reporters sans frontières a consacré un seul communiqué pour solde de tout compte à la mort d'Antoine Massé, correspondant de presse tué d'une balle dans la tête et d'une balle dans le cœur par l'armée française alors qu'il couvrait des émeutes qui lui étaient hostiles dans la ville ivoirienne de Diokoué. Alors que Jacques Chirac meurt, aucun média ne revient sur ce qui n'est pas une bavure, mais un massacre. Un massacre à caractère néocolonial dont ni les auteurs ni les commanditaires n'ont jamais été ni mis en examen, ni jugés. Lemonde.fr, dans son édition Afrique, évoque les circonstances de ce crime tout en l'éludant. La Côte d'Ivoire fut d'ailleurs la grande affaire africaine de ces 12 années à l'Élysée. Peu après la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002, le président Laurent Gbagbo ne tarda pas à accuser Paris d'avoir manœuvré dans l'ombre pour le renverser. La tension atteignit son paroxysme en novembre 2004, après le bombardement de la base militaire française de Boaké par l'aviation ivoirienne. À cet instant, Paris envisagea sérieusement de chasser M. Gbagbo de son fauteuil et de le remplacer par son chef d'état-major. Oui, tout à fait. Le Monde vous explique, l'air de rien, que Jacques Chirac a essayé de remplacer un chef d'état élu par un officier félon dans un pays officiellement indépendant. Et c'est parce que des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour contrarier ce projet que des dizaines d'entre eux sont morts, fusillés par notre armée, sous les ordres de ce président, qui était si chaleureux, si jovial, si accessible, si friand de têtes de veau et de blagues salaces. Jacques Chirac est mort, et les familles des victimes de ses choix politiques criminels n'ont jamais eu, devant un prétoire, la moindre explication provenant de lui, de ses ministres ou de ses généraux. Je pense à Suzanne, Suzanne Yahaou, mais je pense aussi à Josette Chiloua, la maman d'un des 9 soldats tués le 6 novembre 2004 dans le bombardement de la base militaire française de Bouaké, qui a été le déclencheur de la tentative de coup d'État évoquée par Le Monde Afrique. Un bombardement perpétré par des mercenaires biélorusses travaillant officiellement pour le gouvernement ivoirien, mais que le gouvernement de Jacques Chirac a aidé à plusieurs reprises à filer. Jacques Chirac est mort, vieux, malade et rassasié de jour auprès de ses proches. On le savait déjà qu'il avait bénéficié d'une impunité 5 étoiles en ce qui concerne toutes les affaires de corruption dans lesquelles son nom avait été cité. Mais qui en France sait que cette impunité s'élargit à de graves crimes de guerre? Même le nouveau parti anticapitaliste, faisant dans un communiqué un inventaire à la Prévert des méfaits de notre ancien président, a oublié ce sang versé là. Pendant que Jacques Chirac faisait le beau dans le monde entier en disant non à la guerre en Irak, la guerre de George W. Bush, il avait lui-même bien camouflé, par un étrange consensus français, son petit Irak, selon l'expression de la presse anglo-saxonne de l'époque. En Jacques Chirac qui meurt, bon nombre d'entre nous voient le dernier président gaulliste et voient le gaullisme en question comme un humanisme, un idéal international d'équilibre et de respect du droit international, là où il n'a jamais été qu'une posture. Un anti-américanisme de positionnement ailleurs que dans ces pays-là où il pouvait continuer à exercer un impérialisme de milieu de gamme. Jacques Chirac l'Africain, c'était donc une posture, frôlant quelquefois la schizophrénie. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, on a pu revoir cette vidéo où il se pose en avocat d'une Afrique exploitée. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. On repasse un petit bout. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Ainsi parlait l'homme dont une des âmes damnées, Robert Bourgis, affirmait qu'il avait reçu, pour financer ses ambitions politiques et, on l'imagine, ses frais de bouche, des dizaines de millions de dollars venus de chefs d'État de pays parmi les plus pauvres du monde, qui achetaient ainsi une protection réelle ou supposée. Des sous souvent transportés à l'intérieur de djembé, anormalement lourds, comme pour en rajouter dans le registre des clichés sordides. Une démocratie européenne ainsi financée peut-elle être autre chose qu'une démocratie de basse intensité, corrompue jusqu'à la moelle et capable à tout moment d'importer à l'intérieur de ses frontières la violence d'une vieille colonialité jamais regardée en face ? À l'heure où Jacques Chirac meurt et où un grand nombre de Français semblent déplorer le bon vieux temps, où les forces de l'ordre leur paraissaient plus civilisées qu'aujourd'hui, il est bon de rappeler la continuité qu'il y a entre les destins de Jean-Louis Koulibaly Kwasi, tué par des balles françaises en 2004, et ceux de tous ces éborgnés, mutilés et morts, de la séquence politique qui a commencé il y a bientôt un an avec le mouvement des Gilets jaunes. Nous assistons tout simplement à une extension du domaine de l'impunité. Merci d'avoir regardé ce programme. Pensez au pouce bleu, aux commentaires et au partage. Et pour nous soutenir financièrement, c'est juste là.